Si les diamants sont éternels, le strass ne l'est pas. Et la détresse engendre le stress, et la vie laisse des traces. Y'en a assez de pourrir, ici pour trouver un bahut courir. Et c'est dur dans cette chaîne de vie, de se faire une place, laisser une trace, et de pas s'enfermer dans une vie qui lasse. Donc je laisse de côté les ennuis et les mauvaises passes pour laisser place au moment présent. D'aucun temps précieux, ouais. Vu un seul tir, faut être précis, donc pas trop pressé. D'ailleurs, comment tu lopes ça? C'est sur feuille blanche que je grave ma vie, mais c'est grave, t'as vu, trop de jeunes passent la vie comme dans une garde à vue. Si je rappe, mon vieux, c'est pour moi-même et pour mes vieux, et pour mes proches aussi, et pour que tous nos jours proches se passent de mieux. Chaque jour au même coin de rue, attendre la main, mendier pour son pain quotidien, une pièce ou deux pour subsister, c'est triste, mais c'est la vérité. L'hiver est rude cette année, à croire que bon Dieu n'est pas de son côté, mais stop, il a cessé de croire aux faits, mais de se fier aux faits. La fortune ouvre rarement sa porte aux pauvres, maintenant il sait. Jadis homme honnête, père de famille, jean clean sans guenille, ouais. Mais depuis la mort de sa fille, la chance ne brille plus comme auparavant. Quelques mois plus tard, licencié, passage matinal du huissier, plus de force morale pour surmonter, il en veut au monde entier. Nos vies des drames en plusieurs actes, certains avec le diable font pacte pour sortir de la détresse et ne pas avoir un cri SOS. Au coin des yeux, des larmes, cette âme touchée par le désespoir. Dans cette vie où les malheurs tombent à profusion, plus d'espoir. Les besoins se font plus forts que la honte. Mendier pour vivre, c'est pas un conte, c'est la réalité, pas une fiction, une merde, un truc que j'invente. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. On m'a poussé dans une barque, je suis clandestin et sans papier. Arrivé par la voie fluviale, j'habite mes textes sur son papier. C'est plus de monter, j'apporte sans peur dans une mer sale où j'ai papier. Après, tu veux que j'apaise mes mots, jamais, même si le papier est con. Cerné ou concernant la censure ou le pax. Max de phase, négro frayant sur cela, ta coûte Clark. Si ce n'est que ça sert à rien, mais quand j'en parle, mytho. Ceux qui me dévotaient pour moi, car mec, je suis pas le mytho. On les flaire dans les airs, comme la merde qui nous sert. On les perd ses pieds sous terre, comme le diable Lucifer. Tous confondus, c'est confirmé, il règne ici bas. Celui des miens, c'est rien, donc plus la peine se donner au combat. Roussani, des blindes de tox, de des petits taf à l'Elysée. Et dire qu'on vote pour eux, c'est con si vous me croyez pas à l'Elysée. J'écris noir sur blanc, pas trop, mais on veut la mienne et c'est louche. Depuis des couches, j'évite le putsch comme un bateau qui ferait mouche. FK, pour les cigares lacérés par les stupéfiants. De se faire chop avec du shit ou shooté par les stupéfiants. La peau des belles cicatrices, d'attente, souffrance, détruit ceux qui puissent. Leur force dans la vie, leur femme et leur tristesse. Dans la détresse, leur maîtresse. Réalité en les face. Yeux te regardent, te parlent, une main tendue. Ta dernière pièce, tu l'as donnée à celui de la station précédente. Qui parle dans le wagon d'à côté, sa bambrue de fond s'éloigne. Puis tu l'oublies, puis un autre te remplace. Mes mains se joignent. Je me surprends à prier, à croire que croire un être qui n'est pas moi m'aidera. La nuit parfois me réveille en sueur, emmêlé dans mes draps. Quel drame se cache sous les traits de chaque visage que je croise. Pour ceux-là qui clament, qui peuvent clamser à chaque virage qu'elle droite. Sous la fraîcheur ou la moiteur, à chaque station des squats. Je crois pas que ce soit des acteurs, le bonheur est un mauvais facteur. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. A toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses. À toutes ces âmes en détresse, toutes ces âmes que chaque jour l'état délaisse. Sans état d'âme et nourri par des promesses.